une histoire particulière. C'est l'histoire d'une famille déchirée que nous vous racontons ce week-end. Hier, dans le premier épisode, nous écoutions le témoignage d'un père. En 1998, après une vie de 10 ans dans des campements et la naissance de deux enfants, Xavier Fortin entre en conflit avec sa compagne Catherine Martin, qui souhaite changer de vie et se sédentariser. Un conflit qui s'envenime notamment autour du droit de visite et de garde entre les deux parents. Au lieu de rendre ses fils à leur mère aux vacances de Noël 1997, le père entraîne ses fils, alors âgés de 6 et 7 ans, pour 11 ans d'une vie d'errance allant de caravane en grange, de région en région. Pendant ce temps-là, une mère cherche ses fils. Michel Pomarède et Anna Schmuck vous proposent d'entendre aujourd'hui le témoignage d'une mère qui a enfin retrouvé ses enfants. Catherine Martin, où est-ce qu'on est ? On est arrivé chez moi, une petite maison que je loue depuis 2 ans, un peu plus que 2 ans maintenant. Regardez, il y a des fleurs, il y a un grand parc, il y a surtout des grands chênes, et des chênes très anciens surtout. Celui-là qui fait le coin de la maison, vous voyez, qui surplombe, là, qui protège de ses grandes branches. Et il y a un bel espace, c'est très vert, et c'est très calme et silencieux. Il y a beaucoup d'oiseaux ici. On est à 35 km de Draguignan. À peu près, voilà, c'est ça. Mais alors, ici, c'est vrai que quand je suis arrivée, il y a un effet de petit paradis très sympathique. En plus, on est tout près du lac de Saint-Cassien. Donc, je me suis pris un vélo aussi. Je peux aller faire les courses en vélo. Je peux aller balader jusqu'au lac en vélo. C'est plat. Et non, c'est très agréable. Catherine Martin, au nom de mes fils. Michel Pomarède, Anna Schmuck. Bon, il pleut aujourd'hui. Bien entré, bienvenue. Avant de vivre dans son paradis de nature aujourd'hui, Catherine Martin a connu l'enfer d'une séparation avec son compagnon Xavier Fortin. Une séparation qui s'est concrétisée pour elle par une vie sans ses fils pendant 11 ans. 11 ans d'efforts pour mobiliser la police et la justice. Comme en témoigne cette archive de 2015 où elle exprime sa colère. Là, on en est réduit à demander au ministère de la Justice de faire appliquer cet article 74 de la loi Perben 2 qui prévoit de réouvrir une enquête, c'est-à-dire de se redonner les moyens, donc d'avoir une recherche effective sur le terrain. Donc la demande est partie il y a 15 jours, 3 semaines sur le parquet d'Aix. Et là, je suis révoltée parce que je viens d'apprendre que le parquet d'Aix aurait refusé. Alors qu'il y a 2 enfants qui sont réellement en danger, qui sont déscolarisés, qui sont désocialisés, qui sont traumatisés, qui ont eu une vie de errance, de vagabonde, quelque chose de très, très, très grave et très perturbant. Et on ne bouge pas, il n'y a personne qui fait rien. Et ça, moi, je veux le crier parce qu'au nom de tous les parents avec lesquels on est, au nom de toutes les associations, les pouvoirs publics ne font pas leur travail. C'est malheureux, c'est leur responsabilité. Moi, il y a l'avenir de mes 2 garçons, ils ont 13 et 14 ans, on ne va même plus pouvoir les intégrer à l'école. On ne sait pas dans quel état ils sont, on ne sait rien d'eux. Moi, je ne les ai plus vus ni entendus, ça fait 7 ans. Eh oui. Est-ce que l'aventure, Catherine Martin, c'était de les chercher ? Oh là là ! C'était terrible de les chercher, c'est sûr. C'est sûr. Ah. depuis le nord de la Normandie jusqu'à la Bretagne et à l'ouest jusqu'à Bordeaux. Nous entamons un périple de 3 semaines. Tout le jour durant, nous roulons, nous nous arrêtons que pour cuisiner un repas frugal sur notre butte à gaz. La nuit, nous plantons notre tente. C'est ainsi que, kilomètre après kilomètre, nous avançons. À chaque nouveau chapiteau, mon cœur bat plus vite. C'est là, peut-être, dans l'une de ces caravanes, que se cachent mes petits garçons. Mais chapiteau après chapiteau, nos recherches sont vaines. Ville après ville, mes yeux s'emplissent de larmes. Je courbe le dos, je ploie, mais je ne plie pas. Mais les 11 ans, je peux difficilement vous en faire un résumé, c'est sûr. Mais bon, c'est l'histoire aussi, sans doute, d'une transformation, c'est l'histoire d'une épreuve, c'est... Le pire dans tout ça, c'est qu'à la fin des 11 ans et quand le moment des retrouvailles est là, c'est un choc tellement violent pour eux aussi, hein, mais en tout cas pour moi, c'est surtout le choc de se rendre compte que maintenant que je les ai retrouvés physiquement, je me rends compte que je les ai perdus psychologiquement. Enfin, c'était terrible, ça. C'était un peu difficile à comprendre, mais c'est, si vous voulez, c'est que peut-être pendant les 11 ans, je me suis tellement accrochée justement à les retrouver physiquement, à les... que j'ai pas mesuré à quel point ils seraient éloignés de moi en tant qu'enfant. Parce que moi, dans mon cœur de mère, il était resté pareil, si vous voulez. Tandis qu'eux, ils étaient vraiment très, très meurtris. Hein, et ils avaient peur de moi. Ils avaient peur de moi, ils avaient grandi dans le mensonge, ils avaient dû dire que j'étais morte. Et ça, c'était difficile à mesurer, forcément. D'ailleurs, c'est ça la libération après coup, c'est ça y est, j'ai fini de chercher. Ça y est, ils sont retrouvés, il n'y a plus à chercher. Ça, c'était une grande libération. Extrait du film de Cédric Kahn, La vie sauvage, inspiré de l'histoire de Catherine Martin. Vous pourriez revenir sur cette journée, sur cette heure précise. Où est-ce que ça se passe? Qui vous prévient? Ça se situe en 2009. Ça se situe exactement 11 ans et un mois après leur départ. Et je rentrais d'Alsace. Et pendant ce séjour en Alsace, j'ai fait des rencontres assez extraordinaires d'amis, chrétiens beaucoup, j'étais logée chez des chrétiens et j'étais entourée par vraiment des prières. Et pendant que j'étais chez ces gens-là, il y a un déclic qui s'est passé parce que j'ai réussi à pardonner. Ça faisait longtemps que je cherchais à pardonner, mais je trouvais pas le moyen de pardonner à Xavier. Et ce qui s'est passé chez ses amis, c'est que j'ai compris que je pouvais pardonner et que ça ne signifiait pas pour autant que j'abandonnais mes enfants. Parce que jusque-là, la crispation, on va dire, en moi, elle se faisait comme ça, elle se faisait... Si tu pardonnes cette monstruosité-là, c'est comme si tu abandonnais tes enfants. Et dans ce temps-là, il s'est passé ça. Donc, quelque chose vraiment de l'ordre de la libération. Et je me suis mis à pardonner. J'ai pardonné à tous les gens qui l'avaient aidé. J'ai défait comme ça plein de liens dans l'invisible. Et je suis rentrée chez moi, il s'est écoulé exactement une semaine, et on m'a téléphoné pour me dire « Vous êtes bien Madame Martin, on a eu du mal à retrouver votre numéro de téléphone. Le procureur de Foix, le procureur de la ville de Foix. » J'ai dit « Oui, c'est moi et tout. Ben voilà, est-ce que vous avez du temps? Il faudrait que vous veniez jusqu'à Foix parce que il faudrait identifier une personne. On pense que c'est Xavier Fortin, mais on n'est pas sûr. » Voilà, et c'est sur ce coup de téléphone-là que je suis partie à Foix, avec mon parrain qui m'accompagnait en voiture. Et d'ailleurs, il s'agissait de reconnaître Xavier Fortin. Ils n'étaient pas sûrs que c'était lui. Et en plus, les enfants n'étaient pas là, puisqu'ils étaient en Corse à l'époque. Voilà. Et donc, ils l'ont arrêté, etc. Et les enfants sont rentrés après. Mais les retrouvailles là-bas ont été terribles. Hein, terribles. Dans ce commissariat de Foix, c'était d'une extrême violence. Hein. C'était très, très violent, ça. Vous pensez à moi, des fois ? Une fois, on était hébergés dans une maison en ville. Et je t'ai entendu, tu m'as appelé. Je suis sorti, je t'ai cherché partout, mais je t'ai pas trouvé. C'était toi ou pas ? Toi, tu pensais à moi ? Non, jamais. Valait mieux pas. Pourquoi valait mieux pas ? Pourquoi, je comprends pas. Catherine Martin, jouée par Céline Salette dans le film de Cédric Kahn. Il paraît que vous disiez à tout le monde que j'étais morte, c'est vrai ? Ouais, ça coupait court aux questions. On était obligés de mentir tout le temps. On était en cavale, on avait la police aux fesses. C'est pas grave. Ça n'a plus d'importance. L'important, c'est que je vous ai retrouvés. Vous êtes là devant moi. Mes bébés. Mes bébés qu'on m'a volé. Bon, il y a beaucoup de nervosité qui était montée déjà, beaucoup d'attentes dans le commissariat. Bon. Et je crois que le premier truc que j'ai dit en rentrant dans la pièce, Chayena s'est retournée, on s'est regardé dans les yeux, vous voyez, parce que les yeux, c'est ça qui parle en premier. Évidemment, c'était des corps d'hommes, hein, de jeunes hommes. Ils étaient grands, mais leurs yeux, c'était eux, quoi. Et là... Je crois que le premier truc que j'ai dit, c'est j'ai tellement souffert, quelque chose comme ça. Enfin, on est tombé dans les bras pratiquement l'instant d'après. Mais je me souviens, Chayena aussi a dit, nous aussi, on a beaucoup souffert dans ce tout premier moment. Puis l'instant d'après, il y a eu un écart, on s'est assis sur les chaises là. Et l'instant d'après, ils m'ont dit... Tu dois savoir que nous sommes très reconnaissants envers notre père et que, surtout, tu ne dois pas porter plainte. Enfin, tout de suite, le truc par rapport à la justice, tout ça. Parce que vous aviez porté plainte, en fait, pour enlèvement d'enfants. Ah ben, ça datait d'il y a 11 ans avant. Hein. Ben oui, oui, il les avait emmenés alors qu'il n'avait qu'un droit d'hébergement aux vacances de Noël 97. Écoute, maman, maintenant ça va. On va rattraper le temps perdu. On va t'emmener là où on a vécu. On va te présenter à nos amis. Mais avant ça, faut que tu nous aides. Le père, il a rien à faire en prison. Je comprends pas. On veut que tu retires ta plainte. Non, vous avez pas le droit de me demander ça. Non, c'est pas possible, vous avez pas le droit. Si le père va en prison, on renouera pas avec toi. Mais c'est du chantage, c'est dégueulasse. Il faut que tu retires ta plainte. Mais pourquoi ? Donc ça, c'était il y a 10 ans. Il y a eu un procès. Xavier Fortin a été condamné à 22 mois avec sursis et 2 mois de prison ferme. Mais les 2 mois de prison ferme couvraient sa détention provisoire, donc il sort libre. Qu'est-ce qui se passe le jour d'après pour vous, Catherine Martin ? Le jour d'après, je crois que j'ai vu des images à la télévision où je voyais, il disait « soulagé, soulagé », comme ça. Si vous voulez, autour du procès et tout, ça a été très compliqué aussi parce que il y a pas beaucoup de gens qui ont compris aussi que je pouvais pas me positionner contre mes enfants dans ce procès. Parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais s'il faut que tu y ailles, des avocats aussi, il faut que tu positionnes, que ce crime doit pas rester impuni, etc. Et moi, je pouvais pas être dans ce procès en adversaire de mes enfants. Vous voyez, c'était carrément, viscéralement pas possible. Et puis, il y avait aussi quelque chose de très important à comprendre, c'est que si j'avais quelque part adopté cette position, j'aurais continué la guerre. C'est-à-dire que, en fait, même les enfants auraient continué d'aller dans le discours de leur père, c'est-à-dire c'est une méchante, c'est une sorcière qui forcément nous veut du mal, etc. Donc, voilà, enfin, tout ce discours-là. Vous dites un crime impuni. C'est un mot fort. Bah, je dis crime surtout parce que, vous voyez, par rapport au pardon, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris aussi ça. On peut, quand on pardonne quelle que soit l'attaque, hein, quel que soit le domaine, quelle que soit l'offense, on va dire, quelque chose qu'on considère comme une offense, on peut la pardonner, ça permet de détacher la personne de son acte. C'est-à-dire qu'on la dissocie. On lui dit, tu as fait cette chose-là à un moment donné, mais tu n'es pas que cette chose-là. Et donc, toi, en tant que personne, je te libère de ça, je te pardonne de ça. Du coup, c'est comme une deuxième chance, voyez, c'est, voilà. Parce que, pourquoi c'est important de faire ça? Parce que quand on pardonne à quelqu'un, on se libère aussi soi-même, en fait. C'est-à-dire qu'on délivre aussi cette charge qu'on avait investie d'une offense, etc. Donc voilà pourquoi c'est très important de pardonner, parce que ça permet de reconstruire autre chose, tout simplement, et pour les deux parties. Par contre, ça ne signifie pas pour autant que le crime, tout d'un coup, disparaît, s'envole et n'est plus un crime. Là, le crime, en l'occurrence, c'est vraiment le viol de la personnalité d'un enfant. C'est le priver d'une partie de lui-même dans sa construction. C'est le priver du regard de l'un ou l'autre des parents, hein, que ça soit de la mère ou du père, du regard, de l'attention, de l'amour, de l'éducation, bien sûr, mais même du regard, voyez. Ce crime-là, ça, c'est absolument quelque chose de tout à fait dramatique, qui a des conséquences sur toute la vie, sur le très très long terme. Vous dites crime, offense, pardon. C'est du vocabulaire religieux. Est-ce que vous êtes croyante? Alors, sur la foi et sur mes croyances, j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup élargi, on va dire, mon monde à ce niveau-là. Mais oui, oui, j'ai la foi, oui, pour moi, si vous voulez, Christ est vivant, mais Bouddha est vivant aussi. Et je crois que ce qu'on appelle la foi, c'est cette capacité à entrer à l'intérieur de nous et à aller explorer, on va dire, des mondes intérieurs. Dans ce désert-là, je me réfugie dans l'écriture puisque c'est ma seule amie. Écrire ou mourir? Mais qu'y a-t-il entre cette feuille blanche et moi? Si ce n'est la magie de la voir se griser au fil de la plume du bout de mes doigts. Quand on est seul, on enlève le voile des illusions et on se voit nu comme un ver. Quand on est seul, on relit l'histoire de Job et les lamentations de Jérémie. On parle à son chat de la physique quantique et des distorsions de l'espace-temps. Quand on est seul, tu vois, tout va bien, parce que la pensée des écrivains nourrit ton chagrin. Et tu apprends que les idées sont vivantes. Tu touches les terres de la vie elle-même et tu devines que tu es bien plus, en vérité, que le corps physique que tu habites. Le pire, ce n'est pas d'être seul. Le pire, c'est de n'avoir personne à aimer. En 2010, Catherine Martin, vous publiez « Au nom de mes fils ». Et la même année, Xavier Fortin avait écrit avec ses fils, vos fils aussi, « Hors système ». Est-ce que vous avez lu son livre? Sincèrement, je l'ai juste parcouru, mais je ne m'y suis pas attardée. Pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre, vous? Alors moi, je l'ai écrit parce que d'abord, ça a été un moyen de survivre. Hein. C'est-à-dire que au début de la disparition, je me suis mise à écrire pour le souvenir, pour eux, d'abord. Je me suis dit, il faut absolument que je garde une trace, que je puisse leur raconter ce qui s'est passé quand ils vont revenir, quand je vais les retrouver. Et puis, de fil en aiguille, j'écris pour moi. Et puis, ça a été un très bon chemin de thérapie aussi, parce que, vous savez, quand on se raconte, on donne naissance à une autre personne, hein, on prend du recul. Et en fait, en 2008... ou 7, enfin un peu avant les retrouvailles, j'avais décidé de regrouper tous mes carnets, tous mes cahiers, tous mes bouts de papier, j'avais décidé d'en faire un seul bloc. Il y avait quelque chose en moi qui disait, bon maintenant c'est mûr, tu rassembles tout ça, tu fais un seul paquet, comme ça tu peux l'expédier, quoi, quelque part, t'en décharger quelque part. Donc, en fait, j'avais un peu commencé à écrire les premières lignes de ce livre. Et puis, alors, il y a eu les retrouvailles, il y a eu le choc et tout ça. Mais j'avais aussi, je crois, beaucoup à témoigner du comment j'avais transcendé le manque, que j'appelais ça, transcender le manque. Ok, ça. Ok, ça, réveille-toi, mon amour. En 2014, Cédric Kahn consacre un film de fiction qu'il appelle « La vie sauvage » à votre histoire, celle de vos fils, celle de Xavier Fortin. C'est Céline Salette qui joue votre rôle. Qu'est-ce que vous avez pensé du film ? Les quelques scènes où il a pris dans mon livre des choses, d'ailleurs, c'est la scène du pardon, de la foi à la fin, là, qui est très forte. Il y a des petites touches, on va dire, comme ça, qui correspondent. Mais évidemment, le rôle de la mère dans le film est en tout cas, surtout celle du début, là, l'irresponsable qui écrase ses clopes par terre, là. Je disais, c'est pas du tout moi, c'était vraiment très très loin de moi. Il est joli, le film, il est joli. Mais dans l'ensemble, moi, je suis sortie de là en disant, il faut un second film pour raconter ce que j'ai vécu, moi. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Catherine Martin ? Alors aujourd'hui, je suis toujours éducatrice. Enfin, je suis en train de passer la VAE de monitrice éducatrice pour finir d'être diplômée complètement et être payée décemment. Et puis, j'aboutis aussi une formation de professeur de yoga. Je me suis mise à la harpe aussi, parce que ça faisait, c'était un rêve que j'avais pas accompli. Je jouais de la guitare, je gratouillais. Et puis voilà, je fais des petits tutoriels sur Internet pour apprendre des petits morceaux d'art. Mais sinon, je joue comme ça aussi. Donc là, on est 10 ans après. Je vous ai demandé le jour d'après. Donc là, on est bien des jours après les retrouvailles. Quelle est votre vie aujourd'hui ? Quelle est la couleur des liens, on pourrait dire, que vous avez avec vos deux fils, Cheyenne et Okwari ? Alors, aujourd'hui, quand même, c'est très, très positif. C'est-à-dire que même si on compare avec les statistiques officielles, qui disent que après 5 ou 6 ans de séparation, le parent absent ne retrouve absolument pas de lien ou même de communication avec l'enfant. Ben moi, je peux vous dire que donc après 11 ans et 1 mois de vraiment cruelle et sévère séparation, c'est-à-dire vraiment plus aucun lien, plus aucun contact. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de lettres ? Non, absolument pas. Il y a eu 3 lettres en 11 ans qui étaient dictées par leur père. Hein. Donc, c'est comme si c'était rien. Eh bien, j'ai retrouvé de très bonnes relations avec Cheyenne et Okwari. Et aujourd'hui, on se téléphone régulièrement, pas tous les jours, pas tous les week-ends. Peut-être c'est des fréquences de une fois par mois ou une fois tous les 2 mois ou des occasions ou de temps en temps, mais... Voilà, je suis allée chez eux aussi plusieurs fois. Cheyenne est venue ici une fois, pas au Quarry encore, mais il m'a dit qu'il allait bientôt venir. Et voilà, je peux leur téléphoner, ils peuvent m'appeler. Et la relation, c'est vraiment apaisée, adoucie. Et bon, sincèrement, c'est quand même très satisfaisant. Voilà. Donc vous êtes complètement apaisée par rapport à cette aventure que vous avez traversée aujourd'hui, Catherine Martin ? Aujourd'hui, oui. Oui, oui. Je suis bien apaisée, oui. Même s'il peut y avoir encore des événements qui font remonter des douleurs et des... Et, oui, moi je suis sereine, oui, je suis tranquille. Je crois que je serai complètement apaisée quand quelque chose viendra d'eux pour me dire, pas spécialement merci, mais enfin quelque chose de l'ordre de la reconnaissance de les avoir retrouvés. Vous voyez, le moment où ils se rendront compte qu'il fallait passer par là pour que le miroir s'inverse pour eux, vous voyez, et qu'ils sortent de la clandestinité, qu'ils retrouvent leur véritable nom, et donc qu'ils retrouvent véritablement qui ils sont. Vous voyez, je crois que ça, c'est pas encore tout à fait mûr. Peut-être qu'il faudra encore 10 ans. Quand vous les regardez, Shayena et Okwari, en tant que mère, donc qu'ils n'ont pas eu pendant 11 ans, comment est-ce que vous pouvez vous dire, tiens, ils m'ont pas eu pendant 11 ans? À quel signe, à quel détail vous dites, tiens, ça, je ne leur ai pas transmis, ça, ils n'ont pas eu de moi? Comment est-ce que vous pouvez le sentir, ça? Oh, ça, je l'ai vécu très, très fort. Là, vous mettez des mots sur des choses que j'ai vécues très, très fort dans les premiers temps des retrouvailles, l'année 2010, 2011, là, ces petits temps où on a essayé de se retrouver, de se reparler. C'était très violent parce que justement, comment expliquer ça? C'était de l'ordre de la sensibilité. C'était de l'ordre de l'expression de l'émotion, de l'expression du sentiment. Il y avait quelque chose de très froid en eux, de couper, comme de couper de leur cœur, voyez. Et ça me faisait une violence. Et je me disais, ils savent pas le dire, quoi. Ils savent plus, ils savent pas. C'est déjà beau aujourd'hui que tous les deux, ils soient revenus bien sur leurs deux pieds, bien dans leur tête, bien dans leur cœur, et assez stables. C'est déjà beau. Comme des fleurs sur la terre, éphémères, poussières, comme des fleurs sur la terre, poussières, éphémères, nous sommes. Comme des fleurs sur la terre, éphémères, poussières, comme des fleurs sur la terre, poussières, éphémères, parés de nos plus beaux atours, exhalant nos parfums les plus doux, dans l'espoir de conquérir l'espace et d'y marquer notre place. Parés de nos plus beaux atours, exhalant nos parfums les plus doux, dans l'espoir de conquérir l'espace et d'y marquer. Comme des fleurs sur la terre, éphémères, poussières, comme des fleurs sur la terre, poussières, éphémères, nous sommes. Comme des fleurs sur la terre, éphémères, poussières, comme des fleurs sur la terre, poussières, éphémères, nous sommes. Mais aussi fragile soit ton charme, aussi incommensurable est ton pouvoir, car sous ta corolle, suave et chatoyante, le fruit, aux graines prometteuses, à jamais tu enfantes. Mais aussi fragile soit ton charme, aussi incommensurable est ton pouvoir, comme des fleurs sur la terre, lumières éternelles. Comme des fleurs sur la terre, éternelle lumière, nous sommes. Comme des fleurs sur la terre, lumière éternelle. Catherine Martin, au nom de mes fils. Extrait du film La vie sauvage de Cédric Kahn et du livre Au nom de mes fils de Catherine Martin. Une histoire particulière, coordination Christine Bernard, prise de son François Rivalan, mixage Claude Nior, réalisation Anna Schmuck, un documentaire de Michel Pomarède. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30 pour vous parler d'un célèbre naufrage et d'un tableau. Mais c'est une autre histoire.